Bien accroché au petit matin, notamment dans les terres, puis après leur dissipation, un soleil généreux avec un vent faible et des températures comprises ce matin entre 3 et 9 degrés. Cet après-midi, quelques petites poches de grisaille résisteront, mais un peu partout, c'est plutôt le soleil qui s'imposera et le mercure atteindra de 14 à 16 degrés. Brumes et brouillards ensuite dans la nuit de jeudi, puis une très belle journée sous un ciel bleu ou peu nuageux avec un maximum de 16 degrés pour vendredi. Même temps, mais cette fois jusqu'à 17 degrés, puis un très beau ciel pour tout notre week-end, mais en perdant quelques degrés, au mieux, pas plus de 10 ou 11 degrés en journée. Nous sommes prêts, c'est ce qu'a annoncé Fabienne Dufay, la directrice régionale des finances publiques pour la Normandie et pour la Seine-Maritime, où plus de 94% des 694 000 foyers fiscaux ont choisi le taux de prélèvement à la source proposé par l'administration fiscale. La phase de test est terminée, nous avons organisé de nombreuses réunions de présentation de la réforme au profit des entreprises et organismes professionnels de la sphère privée, ainsi qu'auprès des organismes publics locaux, c'est ce qu'elle déclare. Pour ce qui est des étapes de la réforme déjà franchies, les taux choisis ont été transmis aux collecteurs, c'est-à-dire aux employeurs et tiers payeurs, et certains ont déjà indiqué sur les bulletins de salaire une préfiguration de ce que sera la retenue à la source. Maintenant, nous devons porter l'accent sur l'information de trois types de publics, ceux qui ne faisaient pas de déclaration de revenus et vont entrer dans la vie active, ceux qui n'étaient pas imposables et qui le deviennent, enfin ceux qui n'ont pas fait de déclaration et auraient pu en faire, c'est ce que souligne Fabienne Dufay. Dans le premier cas, l'employeur appliquera d'emblée le taux neutre applicable au niveau de rémunération, mais le salarié pourra solliciter de la administration fiscale le calcul d'un taux individualisé qui lui permettra de souffler et d'obtenir éventuellement le remboursement du surplus prélevé par l'employeur. Les autres auront eux aussi avantage à se rapprocher de l'administration fiscale, ne serait-ce s'ils ne sont pas imposables, ils sont 54% dans ce cas en Seine-Maritime, que pour bénéficier des avantages et dégrèvements liés à leur situation. Dans l'heure où un peu plus de 150 000 des 325 000 foyers fiscaux sont imposables, cette proportion est similaire, mais la nécessité d'échanger avec l'administration fiscale est également mise en exergue, d'autant plus qu'il y a de moins en moins besoin de se déplacer. Cette année, 58,45% des contribuables eurois ont déclaré leurs revenus de 2017 sur Internet, 51,50% l'année précédente. 6 contribuables sur 10 sont mensualisés et le taux de paiement sur la toile a atteint 80,12%. Comment mieux orienter des lycéens vers les filières universitaires normandes? Comment aider davantage les étudiants, surtout ceux des premières années, quand ils se perdent dans des villes nouvelles pour eux, des bâtiments labyrinthins et qu'ils doivent faire leur premier pas hors du cocon familial? La semaine dernière, lors de la troisième édition des rencontres universitaires numériques normandes sur le campus de Mont-Saint-Aignan, une nouvelle application mobile a été dévoilée, NUP ou Normandie Université en poche. C'est un portail dédié sur smartphone. Il sera disponible sur Android et iOS d'ici 3 semaines environ, qui permet à chacun des 80 000 étudiants de se géolocaliser dans les quelques 20 sites universitaires normands, mais aussi de situer les restaurants universitaires, d'avoir des agendas d'événements universitaires, culturels, des horaires de transport ou de bibliothèque, des adresses pour la médecine préventive. Développée par Orange Business Service, l'application va évoluer au gré des besoins et des souhaits de ses utilisateurs. C'est une première en France, c'est ce qu'a expliqué Marc Maouche d'Orange. Le but est de simplifier l'accès à l'information, c'est ce que précise pour sa part François Leguet, responsable du pôle projet numérique de Normandie Université. Si cette appli est gratuite, ouverte à tous, les étudiants pourront, via leur code d'identification, accéder aussi à leurs espaces de messagerie et des espaces pédagogiques, les filières, leur adresse de messagerie, des notifications. Les lycéens pourront, en cours d'orientation, y consulter des cours, voire des vidéos pour jauger si leur choix de filière leur convient. Cette application découle d'un schéma directeur de la vie étudiante qui, partant du numérique, notamment aidé par la région, veut dynamiser l'enseignement supérieur et la recherche en Normandie. La 81e édition du Challenge Carrington, organisée par l'étoile athlétique Lauvérienne, s'est déroulée dimanche sur le stade Annette Sergent, au lieu-dit La Plaquette à Louviers. De la pluie du matin était resté le vent et les nuages. Un terrain pas trop dur pour les foulées, toujours des inscrits, clubs et individuels en nombre. 1682 personnes à 14h avant que ne soit lancée la course senior homme. Une course gagnée par Paul Melli, comme l'avait prédit Didier Deneux, le président de l'EAL, après un coup d'à-coude serré avec Mehdi Akar. Julien Sanson prenant la troisième place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Passez une très belle fin de nuit, passez une très belle journée à l'écoute de Cristal.

matin. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. J'espère que ça va chez vous. C'était Alan Walker. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Si vous êtes fan de l'univers des super-héros Marvel, Spider-Man, Hulk, etc., vous savez sûrement que Stan Lee, l'un des fondateurs de la franchise, est décédé avant-hier. Et justement, en parlant des Marvel, le journal L'Équipe a sorti une info surprenante, puisque deux joueurs de l'équipe de France seront au casting du prochain Spider-Man au cinéma. Et oui, et c'est Prenel Kimpembe, joueur du PSG, et Olivier Giroud qui prêteront leur voix au super méchant du nouveau film d'animation Spider-Man. Alors c'est Sony aussi qui l'a annoncé récemment. Et c'est la première fois que les récents champions du monde se retrouvent à doubler des personnages au ciné. On a hâte de voir tout ça. Voilà, un petit peu de patience encore. La sortie du film Spider-Man New Generation est prévue pour le 12 décembre prochain. On retrouvera aussi la chanteuse Camélia Jordana au casting voix de ce film d'un nouveau genre, voilà, qui relance la saga Spider-Man. Il est 5h45, ce Cristal, bienvenue. Dans un instant, on va en Normandie. Et puis l'horoscope avec Alexandra. Tout ça, c'est avant 6h, bien sûr. Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce mercredi 14 novembre. Fréquente grisaille et brouillard, parfois bien accrochés au petit matin, notamment dans les terres, puis après leur dissipation, un soleil généreux avec un vent faible et des températures comprises entre 3 et 9 degrés. Et puis dans l'après-midi, quelques petites poches de grisaille résisteront, mais un peu partout, c'est plutôt le soleil qui s'imposera et le mercure atteindra de 14 à 16 degrés.

Amis bien réveillés, j'espère pour vous. On est mercredi déjà, le 14 novembre, la journée des enfants et des sorties ciné, forcément. Et d'ailleurs, j'aurai des invitations à vous faire gagner pour Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Voilà, le film sort aujourd'hui et devrait plaire à tous les fans de l'univers Harry Potter, je pense. Restez bien à l'écoute de Cristal, je vous fais gagner vos invitations famille à tout moment. Et c'est pas tout, on a énormément de cadeaux pour vous ce matin. Je vous en dis plus tout à l'heure. Je ménage un petit peu le suspense. Bah oui, faut bien. Bon courage pour cette journée, surtout si vous êtes déjà en train de bosser, hein. Il est bientôt 6h et avant de retrouver l'info, c'est l'horoscope avec Alexandra. Bonjour Alex. Bonjour à tous, excellent mercredi 14 novembre. L'horoscope des béliers, vous pourriez parfois regretter amèrement vos paroles. Dites les choses au fur et à mesure. Si vous êtes célibataire, les taureaux, vous retrouvez l'envie d'aller compter fleurettes. Gémeaux, votre créativité est à son summum. Vos supérieurs sont ravis du travail que vous effectuez actuellement. Cancer, votre entourage sera ravi. Vous retrouvez le sourire. Lion, votre conjoint est à votre écoute. Et vous avez tendance à en profiter au risque de le lasser par vos exigences. Vierge, les brouilles avec vos amis ne durent jamais très longtemps, alors ne vous inquiétez pas. Balance, vous avez l'impression que l'on vous cache quelque chose, peut-être que l'on vous prépare une surprise. Qui sait ? Scorpion, ne foncez pas la tête baissée dans une relation, prenez le temps de connaître l'autre. Sagittaire, vous avez retrouvé du peps et cela vous rend euphorique. De belles opportunités de rencontre, les Capricornes, et même si au fond vous désirez avoir une stabilité affective, vous vivrez le moment présent à fond. Verseau, vous vous sentirez un peu plus nerveux que d'habitude, la lune vous donnera la bougeotte. Quel succès ! Les Poissons, Vénus et Mars vous promettent de bien belles émotions amoureuses. Excellente journée à tous. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way, hey. Ne te retourne pas, je suis toujours l'horizon. Laisse derrière toi tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit, s'efface les apparences. Il ne reste que l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way.